Chapitre 5e. Le jour même du retour de Liane, M. de Guibray vint à Kildar pour s'entendre avec le marquis au sujet d'une chasse. Madame de Gueldre était seule dans la bibliothèque. Son mari avait emmené en mer Jacques, Yvonne et Fauché, et Madame de Chavannes venait de partir avec son fils pour aller faire une visite au Montreux. Le jeune homme parut surpris du retour de la marquise, et elle balbutia de vagues explications pour motiver ce retour si brusque. Il fit une visite banale et correcte, sans aucune allusion à ce qui s'était passé, et se contenta de regarder deux ou trois fois Madame de Gueldre avec un peu plus d'insistance que la stricte politesse ne l'eût permis. En la quittant, il lui baisa la main et lui dit « Vous avez vraiment, marquise, les plus jolis bras qui se puissent voir ». Cette façon de l'appeler marquise horripilait Liane, qui trouvait que c'était Rastaquer ou parvenu. Voyant en Bretagne très peu de monde, et presque uniquement des Parisiens en villégiature, elle ignorait que c'était là tout bonnement une habitude provinciale. Au moment de sortir, M. de Guibray s'arrêta, demandant « Si vous le permettez, je viendrai vous voir quelquefois, marquise. On vous trouve presque toujours à cette heure-ci, n'est-ce pas ?» Elle répondit « Toujours ». Quand le vicomte fut parti, elle se demanda ce que signifiait son attitude. Avait-elle donc vraiment rêvé? Mais en admettant qu'elle eût rêvé l'incident de la voiture, elle n'avait rêvé ni l'adieu à la gare, ni le regard si doucement caressant qui accompagnait cet adieu. Pendant un mois, M. de Guibray vint assez souvent la voir, et toujours sa correction de tenue et de langage fut la même. À peine quelques compliments absolument insignifiants et une irritation visible pour elle seule quand il trouvait auprès d'elle ou Madame de Chavannes ou Jacques ou Fauché. Quelquefois le vicomte faisait à Liane trois ou quatre visites coup sur coup, puis partait pour un déplacement de chasse et restait 8 jours sans se montrer. Elle, ne pouvant supporter l'idée de ne pas être là quand il viendrait, ne sortait plus du tout et passait des journées entières à l'attendre, les yeux fixés sur l'avenue par laquelle il arrivait. Ce qu'on pouvait penser de ce changement d'habitude, elle ne se le demandait pas. Elle aimait M. de Guibray, elle voulait le voir, tout le reste lui était égal. Et cependant, elle était certaine maintenant que le vicomte n'éprouvait même pas pour elle le caprice auquel elle avait cru d'abord. À chaque instant, il disait 1000 choses, lui prouvant qu'elle ne comptait pour rien dans sa vie. Il lui parlait continuellement de la chasse, la seule passion qu'il eut, disait-il, oubliant le monde, qu'il adorait comme on ne l'adore guère qu'à 20 ans. Souvent aussi, il répétait à Liane, qu'il écoutait en souriant vaillamment lorsqu'elle avait envie de pleurer, « Quand je vais me marier ?» ou « Si le mariage qui est en train réussit ?» Persuadé qu'elle n'était pour lui qu'une relation agréable, bonne seulement à l'aider à passer, quand il n'aimait pas mieux les 6 longues journées de campagne, elle se résignait à ce rôle incolore, heureuse de le voir sans espérer davantage. Mais fière à sa façon et profondément délicate, elle s'appliquait de toutes ses forces à ne pas lui laisser voir l'affection qu'elle éprouvait pour lui. Elle le jugeait assez satisfait de lui-même et pas du tout timide, un peu gâté plutôt par la vie de province, où les succès sont si faciles pour ceux qui occupent le premier plan. Certes, il était intelligent, très intelligent même, mais pas d'esprit assez supérieur pour s'élever au-dessus des petites flatteries et des petites intrigues. Son souci de l'effet à produire, sa préoccupation constante du « qu'en dira-t-on », sa soumission servile aux préjugés et aux convenances, heurtaient sans cesse la nature si complètement différente de Madame de Gueldre. Et malgré tout, elle s'attachait chaque jour davantage à celui qu'elle regardait pourtant avec des yeux impitoyablement clairvoyants. Et chose singulière, à ce sentiment, né en somme d'un simple contact, rien de sensuel ne se mêlait plus. Liane aimait à présent de toute son âme et de toute son âme seulement. Le peu qu'elle avait appris de ce qu'on appelle l'amour ne lui avait pas laissé de bien vibrants souvenirs, et elle s'était faite sans regret à sa vie absolument chaste. Le premier jour, en s'apercevant qu'elle aimait, 1000 frissons inconnus l'avaient remuée, et elle eût voulu à cet instant se donner tout entière. Mais la froideur tranquille de M. de Guibray, en lui indiquant qu'elle faisait fausse route, avait en même temps calmé les sensations qui s'éveillaient confusément en elle. À la fin de septembre, Madame de Chavannes et ses enfants partirent et il ne resta plus à Kildare que Jacques et Fauché. Liane fut presque toujours seule, et les visites de M. de Guibray devinrent plus fréquentes. Un jour, il arriva à cheval tout de suite après le déjeuner. En sortant des aunes pour faire sa promenade habituelle, il avait aperçu le marquis, Jacques de Boufflers et Fauché, qui filaient en phaéton sur la route de Vannes. Liane, seule dans le grand hall, lisait. Elle n'attendait pas le vicomte aussitôt et son cœur battit de joie en le voyant entrer. Il s'assit à quelques pas d'elle et commença à causer. Mais il paraissait distrait, préoccupé. Et comme Madame de Gueldre l'écoutait, accoudée, le menton posé sur sa main, dans une pose attentive, il s'écria tout à coup « Ne bougez pas, vous êtes ravissante comme ça !» Elle se mit à rire et inconsciemment changea de pose. Il se leva et, venant près d'elle, prit le bras qu'elle avait laissé retomber et l'embrassa lentement, effleurant à peine de ses lèvres les petites veines bleues qui couraient sous la peau nacrée. Liane voulut retirer son bras, mais le vicomte retint solidement la main serrée dans la sienne et, relevant la large manche de la blouse de crêpe de Chine, fit monter ses baisers jusqu'à l'épaule nue. Puis, s'appuyant sur le divan à côté de la marquise, il l'attira doucement à lui et, tout à coup, brusquement, colla sa bouche sur la bouche fraîche qui, un instant, s'abandonna franchement. Mais, très vite, Liane, un peu pâle, retira ses lèvres. En recevant ce premier baiser, elle venait de comprendre que, alors qu'elle se donnait toute, lui ne se donnait pas du tout. Et quand les tempes battantes et la gorge sèche, elle leva sur M. de Guibray ses yeux tout pleins d'amour, elle vit que, redevenu parfaitement maître de lui et correct, il s'apprêtait à partir. Déjà attachée plus étroitement à lui par cette seule caresse, inquiète de penser qu'il allait la quitter, elle lui demanda craintivement, sans même oser le regarder, « Quand est-ce que je vous reverrai ?» Il répondit, « Mais je ne sais pas, peut-être demain ou après-demain. » Et il ajouta, en lui baisant cérémonieusement la main, « Au revoir, marquise. » Elle regarda la porte par laquelle il venait de sortir, et son insouciance naturelle reprenant le dessus, elle murmura en riant, tandis que les larmes qu'elle avait eu tant de peine à retenir roulaient enfin, rondes et énormes, sur ses joues. « Eh bien vrai, il aurait bien pu me faire grâce de ce marquise-là. » Le lendemain, M. de Guibray ne vint pas à Kildare. Eliane, fiévreuse, les pommettes trop roses et les mains brûlantes, passa toute la journée à l'attendre, tressaillant chaque fois qu'une porte s'ouvrait ou qu'un pas laissait crier le sable. Le soir, au dîner, elle s'emporta pour une vétille contre Jacques et Fauché, la regardant avec étonnement, demanda « Ah ça, est-ce que vous vous aviseriez d'avoir des nerfs à présent ?» Au bout de deux ou trois jours, le vicomte reparut. Il était allé, dit-il, aider Dammartin à tuer ses derniers perdreaux. Comme la dernière fois, il trouva Madame de Gueldre seule. Mais il fut d'une réserve parfaite, se contentant de la regarder tendrement. Et elle, ne sachant que penser de ces alternatives bizarres d'affection et de froideur, en vint à souhaiter son départ. Souvent il revint, et les choses se passèrent de même, et plus triste après chaque visite, Liane se disait « Il ne m'aime pas, pas du tout. » Un soir de chasse, il y eut à Kildare un dîner assez nombreux. Déjà les soirées étaient froides, et on avait allumé dans le salon et dans la salle à manger de grands feux de bourrée. Quoiqu'elle fût décolletée, la marquise étouffait. « Vraiment, ma chère enfant, lui dit la baronne de Lassigny, la voyant respirer avec effort, vous devriez ouvrir ou faire un tour sur la terrasse, vous allez vous rendre malade. » La petite de Montreux protesta. « Ouvrir, par ce froid ?»« Vous avez raison, dit Liane à la baronne, je vais marcher un peu. » Elle sortit sur la terrasse. La nuit était superbe et elle apercevait de tous côtés les petites lueurs des cigares, les fumeurs ayant préféré le parc au billard. Elle descendit les marches de la terrasse et prit au hasard une allée, voulant faire quelques pas seulement en pensant à Jean et puis rentrer. Elle s'arrêta tout à coup, émue et joyeuse, en entendant à côté d'elle la voix de M. de Guibray qui demandait « Marquise, voulez-vous que je vous offre mon bras ?» Sans répondre, elle posa sa main sur le bras du vicomte, et aussitôt une pluie de baisers tomba sur ses cheveux, sur ses épaules et sur ses yeux. Alors, affolée, enhardie aussi par l'obscurité profonde, elle noua ses bras autour du cou de Jean, et cherchant ses lèvres, y attacha éperdument sa bouche. Et elle eut cette joie de croire, pendant un instant, qu'il était heureux de ses caresses. Il avait appuyé sa tête sur l'épaule de Madame de Gueldre, et il restait là, se serrant frileusement contre elle et murmurant d'une voix affaiblie des mots qu'elle n'entendait pas, mais qu'elle devinait très doux. Ce fut lui, cependant, qui rappela à Liane que son absence pouvait être remarquée si elle se prolongeait, mais elle ne s'aperçut pas de cette présence d'esprit, et quand elle rentra, les joues roses et les yeux brillants, elle avait pour la première fois un peu d'espoir. Cet espoir fut vite déçu. Au bout de 3 ou 4 jours, voyant que le vicomte ne paraissait pas à Kildare, elle se décida à dire de l'air le plus indifférent qu'elle put prendre « Il me semble qu'il y a longtemps que M. de Guibray n'est venu. » Ce fut Jacques de Boufflers qui répondit « Guibray, parbleu, il est parti avec Lagardie pour 3 semaines. Ils sont chez une cousine de Lagardie, en Poitou, pour chasser au marais, soi-disant. »